Vénus rustique, deuxième partie. Elle grandit, toujours plus belle, et sa beauté avait l'odeur d'un fruit en sa maturité. Ses cheveux étaient blonds, presque roux. Sur sa face, le dur soleil des champs avait marqué sa trace. Des petits grains de feu, charmants et clairsemés. Le doux effort des seins en sa robe enfermée, gonflait l'étoffe, usant au sommet son corsage. Tout vêtement semblait taillé pour son usage, tant on la sentait souple et superbe dedans. Sa bouche était fendue et montrait bien ses dents, et ses yeux bleus avaient une profondeur claire. Les hommes du pays seraient morts pour lui plaire. En la voyant venir, ils couraient au-devant. Elle riait, sentant l'ardeur de leurs prunelles, puis passait son chemin, tranquille, et soulevant au vent de ses jupons les passions charnelles. Sa grâce enguenillée avait l'air d'un défi, et ses gestes étaient si simples et si justes que, mettant sa noblesse en tout, quoi qu'elle fît, ses besognes les plus humbles semblaient augustes. Et l'on disait au loin, qu'après avoir touché sa main, on lui restait pour la vie attaché. Pendant les durs hivers, quand l'âpre froid pénètre les murs de la chaumière et les gens dans leur lit, lorsque les chemins creux sont par la neige emplis, des ombres s'approchaient la nuit de sa fenêtre et, tachant la pâleur morne de l'horizon, rôdaient comme des loups autour de sa maison. Puis, dans les clairs étés, lorsque les moissons mûres font venir les faucheurs aux bras noirs dans les blés, lorsque les lins en fleurs, au moindre vent troublé, ondulent comme un flot avec de longs murmures, elle allait ramassant la gerbe qui tombait. Le soleil, dans un ciel presque jaune, flambait, versant une chaleur meurtrière à la plaine. Les travailleurs courbés se taisaient, hors d'haleine. Seuls, les larges faux, abattant les épis, traînaient leur bruit rythmé par les champs assoupis. Mais elle, en jupon rouge et la poitrine à l'aise dans sa chemise large et nouée à son col, ne semblait point sentir ces ardeurs de fournaise qui faisaient se faner les herbes sur le sol. Elle marchait, alerte, et portait à l'épaule la gerbe de froment ou la botte de foin. Les hommes se dressaient en la voyant de loin, frissonnant comme on fait quand un désir vous frôle, et semblaient aspirer avec des souffles forts la troublante senteur qui venait de son corps, le grand parfum d'amour de cette fleur humaine. Puis, voilà qu'au déclin d'un long jour de moisson, quand l'astre rouge allait plonger à l'horizon, on vit soudain dresser au sommet de la plaine comme deux géants noirs, deux moissonneurs rivaux, debout dans le soleil, se battre à coups de faux. Et l'ombre ensevelit la campagne apaisée. L'herbe rase sua des gouttes de rosée. Le couchant s'éteignit, tandis qu'à l'orient, une étoile mettait au ciel un point brillant. Les derniers bruits, lointains et confus, se calmèrent. Le jappement d'un chien, le grelot des troupeaux. La terre s'endormit sous un pesant repos, et dans le ciel tout noir, les astres s'allumèrent. Elle prit un chemin, s'enfonçant dans un bois, et se mit à danser en courant, affolée par la puissante odeur des feuilles et parfois regardant, à travers les arbres de l'allée, le clair miroitement du ciel poudré de feu. Sur sa tête planait comme un silence bleu quelque chose de doux, ainsi qu'une caresse de la nuit, la subtile et si molle langueur de l'ombre tiède qui fait défaillir le cœur et qui vous met à l'âme une vague détresse d'être seule. Mais des pas voilés, des bonds craintifs, ces bruits légers et sourds que font les marches douces des bêtes de la nuit sur le tapis des mousses, emplirent les taillis de frôlements furtifs. D'invisibles oiseaux heurtaient leur vol aux branches. Elle s'assit, sentant un engourdissement qui du bout de ses pieds lui montait jusqu'aux hanches, un besoin de jeter au loin son vêtement, de se coucher dans l'herbe odorante et d'attendre ce baiser inconnu qui flottait dans l'air tendre. Et parfois, elle avait de rapides frissons, une chaleur courant de la peau jusqu'aux moelles. Les points de feu des vers luisants dans les buissons mettaient à ses côtés comme un troupeau d'étoiles. Mais un corps, tout à coup, s'abattit sur son corps. Des lèvres qui brûlaient tombèrent sur sa bouche. Et dans l'épais gazon, moelleux comme une couche, deux bras d'homme crispés lièrent ses efforts. Puis soudain, un nouveau choc étendit cet homme, tout du long sur le sol, comme un bœuf qu'on assomme. Un autre le tenait couché sous son genou et le faisait râler en lui serrant le cou. Mais lui-même roula, la face martelée par un poing furieux. À travers les halliers, on entendait venir des pas multipliés. Alors ce fut dans l'ombre une opaque mêlée, un tas d'hommes en rute luttant comme des cerfs lorsque la blonde biche a fait bramer les mâles. C'étaient des hurlements de colère, des râles, des poitrines craquant sous l'étreinte des nerfs, des poings tombant avec des lourdeurs de massue. Tandis qu'assise au pied d'un vieux arbre écarté et suivant le combat d'un œil plein de fierté, de la lutte féroce elle attendait l'issue. Or, quand il n'en resta qu'un seul, le plus puissant, il s'élança vers elle, ivre et couvert de sang. Et sous l'arbre touffu qui leur servait d'alcôve, elle reçut sans peur ses caresses de fauve.